Chapitre 2e. Le futur membre de la chambre haute paraissait plutôt avoir 15 ans que 10, tant il était grand, large et robuste. Il avait la face plate, le nez camu, épaté, les yeux vifs, la peau olivâtre, les oreilles dépourvues de bourrelet, le front bas, les cheveux roux, les bras démesurément longs. Son air était triste, sa démarche grave et un peu embarrassée. Tel que je le décris, on peut en conclure qu'il me sembla fort laid. Mais cette laideur, repoussante à certains égards, était étrange et tempérée par une physionomie douce et intelligente. Je n'eus garde de montrer à sa mère l'étonnement qu'il me causait, et le regardait tout de suite avec intérêt et bonté. Aussi la marquise se montra-t-elle satisfaite de mon attitude, et m'en témoigna-t-elle sa reconnaissance par quelques paroles bienveillantes qui voulaient dire « Maintenant, vous pouvez vous regarder ici comme chez vous ». Dès le lendemain de mon arrivée, je traçai un plan d'études et un règlement de vie que je soumis à la marquise. « On voit bien, monsieur, me dit-elle, qu'en France vous enseignez à des jeunes gens destinés à des carrières laborieuses. Votre plan est trop touffu, il manque d'air, et vous devez compter davantage avec nos mœurs. Il vous faudra d'abord prendre nos habitudes du dimanche consacrées au repos et à la prière. Vous serez content de notre pasteur, un homme de bien et fort instruit, fait pour apprécier votre mérite. Il vient tous les dimanches au château avec sa femme et ses filles. Deux fois par semaine, dans la saison, Harry chasse à cheval avec ses harriers et bientôt, sans doute, il voudra suivre les fox hunting du comté en attendant qu'il ait lui-même un pack pour le renard. Chaque jour, vous montez à cheval au moins 2 heures car mon fils n'aime pas la marche. Le jeudi, vous le conduirez à Norwich, où il s'en rendait avec moi jusqu'ici pour des leçons et pour prendre part au cricket avec les enfants du collège qui se livrent à ce jeu dans la grande prairie de la ville. J'irai voir le directeur pour l'informer de nos résolutions, Harry ne devant plus suivre dans son établissement que le cours d'anglais le jeudi avant le cricket. Il a aussi ses poneys qu'il aime amener et avec lesquels vous visiterez les environs. Comme je vous l'ai dit, monsieur, je désire que mon fils ne reste pas seul, loin de vous, une minute, surtout lorsqu'il se trouvera avec des camarades ou des domestiques. Je ne vous parle pas de son caractère, car je compte sur votre perspicacité, sur le temps, sur la pratique. Vous êtes philosophe, et vous ne tarderez pas à connaître son tempérament et les tendances sur lesquelles vous devez agir. Nous causons souvent ensemble de ce sujet qui n'a cessé et ne cessera de m'occuper. J'acceptai avec plaisir les avis et les intentions de la marquise, car il me souriait davantage de former un caractère que faire le pédagogue. Je ne fus pas, d'ailleurs, longtemps à m'apercevoir que mon élève, très sagace de nature, ne pouvait supporter une attention soutenue sur le même objet. Il comprenait vite, mais la réflexion ne lui était ni familière ni naturelle. C'était pour lui une contrainte de s'appliquer à une chose quelconque, même à un jeu. Il parlait rarement et avec un peu d'embarras, mais ce qu'il disait valait la peine d'être écouté. Sa mémoire tenait du prodige. Je l'ai vu se rappeler et répéter un prêche le lendemain du jour où il l'avait entendu au temple en l'accompagnant des gestes de notre pasteur qui en était prodigue. Son adresse était extrême à tous les jeux. Aussi n'y rencontrait-il pas de rivaux. Son agilité dépassait celle des clowns de nos cirques. S'il venait à tomber, il ne se faisait jamais de mal tant il était souple. Un jour qu'un des oiseaux rares de la volière s'était échappé et réfugié sous la cime d'un arbre très élevé, il y grimpa avec une telle prestesse que l'idée d'un danger ne se présenta même pas à mon esprit. À la chasse à cour, il fallait que son cheval roulât à terre pour qu'il tombât. Jamais il ne se faisait la moindre égratignure. J'enviais son sort, car il m'arrivait fréquemment de compter 2 chutes dans une chasse pendant les premiers mois de mon apprentissage. Les promenades au bois de Boulogne et les chevaux du manège Latry étaient les seuls que je connusse avant mon départ pour Londres, et je trouvais la transition un peu brusque. Qui m'eût dit alors que je prendrais du plaisir à forcer un malheureux lièvre ou un renard en franchissant les clôtures des champs du Norfolk? J'y prenais cependant un tel goût, après m'être familiarisé avec le danger, que la privation de cet exercice devint plus tard un vide dans mon existence. Mes études psychologiques me furent d'un grand secours pour pénétrer la nature de mon élève et me diriger dans la tâche difficile de satisfaire aux désirs de la marquise et aux exigences de ma conscience. Dépensant à peine 1000 francs par an pour mon entretien, les fournisseurs de Norwich suffisant à mon élégance très modérée, je me voyais déjà la tête d'une jolie fortune sur mes vieux jours. Je tenais donc à honneur de combler les vœux de Lady Fairville, et je ne négligeais rien pour y parvenir. Je confesse même que j'abandonnais complètement mes travaux personnels, la science philosophique y perdit sans doute peu, et mon élève y gagna beaucoup, par l'assiduité de mon contrôle sur chacun de ses actes. Je ne tardai pas à en recevoir l'assurance d'abord de la bouche de la marquise, puis dans une lettre datée de Paris et portant l'estampille du ministère des Affaires étrangères. Harry, lui aussi, me manifestait à chaque instant la confiance qu'il avait en moi. Bien que d'une nature très indépendante, d'allure toujours libre et toujours réprimée lorsque l'éducation d'un gentleman l'exigeait, il s'attachait de plus en plus à moi. J'avais pris sur lui un ascendant tel que sa mère elle-même n'aurait pu le contrebalancer. Mais la prudence de cette femme, dont je ne me souviens pas encore aujourd'hui sans verser une larme, était telle que ce fut au bout de 3 mois seulement qu'elle me confia tout à fait Harry, qu'elle le fit coucher dans ma chambre. Il en coûta beaucoup d'abandonner cette douce habitude et peut-être n'y fut-elle pas parvenue sans une maladie grave dont la contagion l'effrayait. En m'abandonnant à la garde complète de son enfant, elle me livrait aussi un secret dont elle ne me parla jamais. La discrétion absolue que je gardais à ce sujet, même avec elle, me valut son estime et sa reconnaissance au-delà de tout espoir. Je pris à ses yeux une telle importance, elle me témoigna devant tous une telle considération, que si mon esprit eût été tourné vers l'intrigue, j'aurais pris dans cette maison une influence sans bornes. Portée, au contraire, à beaucoup de réserve, je dirais plus, à l'indifférence pour tout ce qui ne se rapportait pas à mon devoir, à ma mission, je m'appliquais à ne pas sortir de mon rôle, en ne commandant jamais dans le château qu'au nom de la marquise, et plus tard au nom du jeune lord, lorsque celui-ci eut le malheur de perdre sa mère.